C'est ta tablette? Oui, elle est neuve. Elle est super et elle est toute petite. Elle est utile? Très utile. Elle est bien pour les parents parce qu'il y a beaucoup de jeux pour les enfants. Mais c'est un peu cher. Dommage.